Le porte-parole du comité coréen d'assistance des compatriotes coréens de la diaspora a publié le 4 novembre un entretien pour dénoncer les efforts de plus en plus désespérés des autorités et des réactionnaires d'extrême droite du Japon. Il a dit « À la nouvelle de la réussite de l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire de notre République, le premier ministre japonais Abe a péroré dans une réunion extraordinaire de la Diète que c'est un défi évident et intolérable contre la société internationale et qu'il va riposter catégoriquement en collaboration avec la société internationale. Pris de l'hostilité et du sentiment de refus inné contre notre République, les réactionnaires japonais font bruit d'une sanction séparée et d'une résolution de protestation en soutenant la politique américaine à notre égard. C'est une conduite répugnante de ceux qui sont stigmatisés comme non politiques par la société internationale. Ce qui est plus sérieux, c'est que la témérité inouïe de l'archipel est une provocation politique extrêmement dangereuse pour supprimer l'Association générale des Coréens résidents au Japon, organisation des citoyens d'outre-mer de notre République prestigieuse, et menacer le droit à l'existence des Coréens au Japon. Sous prétexte de renforcement de la puissance autodéfensive de notre République, les réactionnaires japonais laissent tomber le masque des soi-disant administrations qui s'appuient sur des lois et droits de l'homme et intensifient le terrorisme d'État contre les compatriotes au Japon et leur organisation. L'ambition sournoise des autorités conservatrices d'Abe est de donner plus d'éperon à la militarisation et de réaliser à tout prix l'ancien rêve de la sphère de coprospérité de la grande Asie orientale à l'aide des États-Unis au prix de leurs ailes dans l'offensive contre notre République et l'Association générale des Coréens résidents au Japon pour supprimer notre idéologie et notre régime. Les autorités japonaises doivent agir avec raison, sans oublier que plus elles se démènent, plus elles hâteront la ruine définitive de l'archipel.